Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107 FM. Nous sommes le mercredi 16 février 2022, nous sommes bien sûr en direct, c'est Chris. Il est 14h tout pile. Vous êtes dans votre émission Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois par téléphone Nicolas Chulet, président des Cafés Sati, qui est là pour nous parler des Cafés Sati, de l'histoire avec un grand H des Cafés Sati et de tout ce qui entoure les Cafés Sati. Donc bonjour Nicolas. Bonjour Chris, bonjour à tous les auditeurs. Comment ça va? Écoutez, très bien, très très bien. Parfait. Prêt à discuter avec vous et à raconter la belle histoire de la société Sati. Eh oui. Donc, tout d'abord, nos auditrices, auditeurs sont habitués, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Nicolas Chulet. Je suis l'actuel dirigeant d'entreprise Sati, la troisième génération, une entreprise que je dirige avec ma sœur Virginie, et je suis marié, père de deux enfants, deux garçons, qui ont 13 ans et 16 ans. D'accord. Et donc du coup, bien que nous allons développer le sujet pendant toute cette heure d'émission, pouvez-vous présenter en quelques mots toujours ce que sont les cafés Sati? Alors les cafés Sati, tout tient dans le nom, les quatre lettres Sati, S-A. Ça veut dire société alsacienne de torréfaction et d'importation. Donc ça veut dire qu'on importe du café vert, du café cru, on va le torréfier, donc le griller, le cuire si on veut, et ensuite on va l'emballer, le conditionner, on dit, dans toutes les formes qui existent sur le marché, c'est-à-dire du grain, du moulu, de la capsule, de la dosette souple, etc. Et ensuite ce café va être commercialisé dans deux secteurs, hein, principalement le secteur des grandes surfaces et le secteur de l'hôtellerie-restauration. D'accord. Donc, pour dire un petit peu à nos auditrices et auditeurs, pourquoi cette émission aujourd'hui? C'est assez drôle, j'ai envie de dire. J'allais à la radio un matin, tranquillement, et j'étais derrière la camionnette des Cafés Sati, justement. Et donc, je me disais que ça pouvait être une bonne idée de vous contacter, justement, pour faire cette émission. Et puis, du coup, j'ai été ravi de voir que vous avez accepté. Donc, voilà pourquoi cette émission aujourd'hui. Voilà. Vous avez bien fait. Et donc, comme vous venez de le dire, vous êtes président, dirigeant des Cafés Sati? Alors, le dirigeant, voilà, la fonction, le titre exact, c'est président du directoire, c'est lié à la structure de l'entreprise. Enfin, on peut dire dirigeant, on peut dire patron, enfin, moi, tout me va bien. D'accord. Bon, on va dire que vous êtes le dirigeant des Cafés Sati, donc depuis combien de temps occupez-vous ce poste? Alors, depuis 2009, mon père a pris sa retraite et il nous a confié l'entreprise familiale à ma sœur et moi en décembre 2009. Et je suis rentré dans l'entreprise familiale, personnellement, en 2003. D'accord. Après avoir un petit peu travaillé dans un tout autre secteur, je travaille dans l'informatique, histoire d'aller me faire les dents, comme on dit, et puis d'essayer de revenir modestement peut-être, mais avec une espèce d'expérience quand même et une valeur ajoutée d'avoir vu quelque chose ailleurs dans l'entreprise. D'accord, donc du coup, presque reprendre l'entreprise familiale, c'était presque comme une évidence finalement. Oui, exactement, ça paraît une évidence. C'est toujours un choix, il faut que ça puisse rester un choix. Mmh. C'est quelque chose d'important, le poids de la transmission, hein. C'est l'un de mon grand-père qui a créé l'entreprise. Elle a été reprise ensuite par ma grand-mère, malheureusement au décès un peu prématuré de mon grand-père. Mon père a repris la suite. Vous avez un peu la pression des générations quand même, le succès de la génération d'avant. Donc je pense qu'il faut pouvoir y arriver par choix, décomplexé, avec un projet d'entreprise qui soit propre, pour que... On va dire qu'il n'y ait pas une espèce de succession subie, mais que ça puisse vraiment être un plaisir, un choix de vie. La vie du chef d'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille, vous vous en doutez bien. Bien sûr. Et voilà, il faut qu'il y ait l'envie et le plaisir pour que ça puisse faire les cocktails de la réussite. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, comme vous l'avez dit, quand vous vous êtes présenté, vous êtes la troisième génération du coup des dirigeants des Cafés Sati. Donc, quand est-ce qu'ils ont été créés, ces cafés? Alors, ça a été créé en 1926. Par mon grand-père, comme je le disais, qui avait 26 ans. D'accord. Et qui, après avoir fait son apprentissage dans une entreprise de torréfaction locale à Strasbourg, avait ensuite décidé de voler de ses propres ailes et de créer un tout petit atelier de torréfaction. Il faisait tout seul. Il démarrait le matin de très bonne heure pour torréfier fraîchement le café. Il allait livrer ensuite les restaurants, principalement le matin, et l'après-midi, pendant qu'il s'occupait de faire sa comptabilité, ses achats, il avait une petite boutique ouverte pour les particuliers qui pouvaient venir s'approvisionner en café frais chez lui. D'accord. Et donc, du coup, en faisant mes recherches, en préparant cette émission, notamment grâce aux documents que Marion Zeder m'a transmis, donc la personne qui s'occupe de la relation presse, j'ai eu l'occasion de voir que les cafés Satie ont le savoir-faire, du coup, que des cafés Satie est transmis, du coup, de père en fils, donc de grand-père en père et de père en fils, du coup. Donc, du coup, c'est une véritable histoire de famille, comme vous l'avez dit. Exactement. C'est une histoire de famille, c'est une histoire de passionnés. Le café est un produit extrêmement attachant. Tout à fait. C'est un produit particulier. C'est souvent le premier contact alimentaire qu'on a le matin en se levant. Mm-hmm. Alors on peut mettre dans l'ordre la tartine, le jus d'orange ou le café comme on veut, mais enfin, ça fait certainement partie des premiers plaisirs de la journée. Et c'est une matière alimentaire un petit peu particulière. C'est un produit exotique, un produit qui varie au gré des saisons, au gré des années, un petit peu comme le vin. Il y a des meilleures années où certaines origines vont être plus fruitées, plus florales. Et il y a un véritable côté un petit peu chimie, alchimie, un peu comme les cuisiniers qui vont inventer des recettes. Le torréfacteur, lui, il va inventer des cuissons, des torréfactions, il va inventer des assemblages. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est piqué par le virus du café, on ne peut plus s'en débarrasser. C'est vrai. Et du coup, je crois savoir que votre maîtrise des techniques pour faire le café est riche en traditions. Alors, tout à fait, puisque nous sommes sur à Strasbourg, en Alsace. Mmh. Nous avons un territoire assez particulier en termes de torréfaction, puisque on torréfie les cafés relativement clairs et on fait principalement des assemblages d'arabica. C'est une typologie vraiment de l'est de la France. C'est lié un petit peu à l'histoire de la région aussi et aux différents épisodes où l'Alsace n'était plus française et a eu accès à des produits exotiques qui venaient d'autres pays. Et en plus, étant une région frontalière, il y a l'influence suisse qui peut avoir joué aussi. Et du coup, nous avons cette tradition d'avoir des cafés un petit peu différents du reste de la France, une torréfaction un peu plus claire du reste de la France. On recherche un petit peu plus l'acidité. La France a traditionnellement consommé beaucoup de cafés provenant de ses propres colonies. Et les cafés arrivés par le sud, Marseille en général, et les cafés des colonies françaises étaient principalement des cafés robusta, donc des cafés d'une variété botanique un petit peu différente des arabicas, un peu moins complexes, plus corsés, plus amers. Après, c'est une affaire de goût, mais les goûts s'ancrent. Et effectivement, le territoire de l'est de la France a un ancrage, on va dire, organoleptique ou olfactif, gustatif, qui est très différent et qui nous convient bien, puisqu'on a des recettes adaptées, on occupe une position de leader régional grâce à notre capacité à avoir des goûts, des produits qui correspondent aux goûts de nos clients. Bien sûr. Donc du coup, pour fabriquer le café, j'ai cru comprendre du coup vous cueillez des cerises, que vous sélectionnez des cerises pour fabriquer votre café. Mais du coup, est-ce que ma question va peut-être paraître un petit peu bête entre guillemets, mais du coup, les cerises de café, c'est pas les cerises le fruit du coup, j'imagine. Non. Alors les cerises, c'est ce qui pousse sur l'arbre. Le caféier donc est une plante qui va fournir des fruits rouges qu'on appelle cerises, et dans lesquelles le noyau est en fait deux petits noyaux hémisphériques. D'accord. Qui ensemble forment le noyau, mais les deux noyaux, ce sont deux grains de café. Donc une cerise donne deux grains de café. Alors nous n'achetons pas des cerises, nous achetons les grains déjà préparés. Donc en termes d'évolution, on part de la cerise qui va être cueillie par des agriculteurs qui peuvent être très souvent des tout petits planteurs, parfois totalement indépendants, parfois regroupés en coopératives, des coopératives de 10 ou 15 agriculteurs, caféiculteurs, parfois des grandes coopératives, où il peut y avoir jusqu'à 1000, 1500 personnes dans des grandes coopératives, comme au Brésil ou bien au Guatemala. Et vous avez après des grandes plantations, principalement au Brésil, qui appartiennent à des privés, des groupes d'investissement privés très importants. Nous, ce qu'on va acheter, ce sont les grains de café, d'où qu'ils viennent. Ça peut venir d'un tout petit planteur qui va avoir, par exemple, un hectare et demi de plantation de caféier. À côté de ça, il va avoir des ananas, des bananes, beaucoup de cultures vivrières, puisque les grains de café, c'est une culture qui peut rapporter de l'argent, mais qui peut aussi ne rien rapporter du tout si la récolte n'est pas bonne ou si l'arbre meurt parce qu'il a attrapé une maladie comme la rouille, ou bien s'il a gelé, comme dans certains pays où il peut geler la nuit en Amérique du Sud, comme le Brésil par exemple. Et pendant 5 ans, une fois qu'un arbre est mort, vous n'avez plus rien. Il faut 5 ans pour qu'un arbre nouvellement planté puisse produire. Donc nous, on va acheter chez ces gens-là des grains de café préparés. Donc la cerise, une fois qu'elle est cueillie, elle va être dépulpée dans une machine qu'on appelle un dépulpeur. En gros, c'est un dénoyauteur de cerise, si vous voulez, mécanique. D'un côté, la pulpe, elle va être utilisée pour faire de l'engrais ou sous forme de compostage. De l'autre côté, les grains, on va ensuite pouvoir soit les mettre directement au soleil après le dépulpage, ou alors les faire macérer, les faire fermenter pendant à peu près une nuit dans des grands bacs, des grands tanks de fermentation qui vont développer de l'acidité et qui vont développer des arômes complémentaires. Et à partir de cette nuit de fermentation, on va les mettre également à sécher au soleil. Et une fois que le grain de café sera sec, il faut pas qu'il dépasse environ 11-12% d'humidité, qui est une température idéale, une hygrométrie, pardon, idéale pour sa conservation. À ce moment-là, il va être préparé pour l'exportation, c'est-à-dire on va pouvoir enlever une dernière pellicule qui s'est formée, une pellicule sèche qu'on appelle la parche, et on va pouvoir le mettre en sac de 60-69 kilos selon les origines. Et là, il est prêt pour l'exportation, et nous, c'est ce produit-là que l'on va importer. Donc le sac en toile de jute, dans des sacs de toile de jute qui contiennent environ 60-69 kilos de café vert. D'accord. Et donc, du coup, comme vous l'avez dit, c'est votre grand-père qui a créé du coup la petite PME qui faisait tout seul dans son petit atelier en 1926, c'est ça ? Et donc, le lieu s'appelait les Cafés Arc. Et donc, je crois savoir que ce terme Arc est un acronyme aussi. Aussi, oui, tout à fait, vous êtes bien renseigné. Vous avez lu tous les documents de Marion. Et, Arc, ça voulait dire à la renommée du café. C'était le premier nom qu'il avait donné à l'entreprise. Ce nom-là est resté jusqu'à ce que l'entreprise grandisse, et nous avons ensuite appelé l'entreprise les Cafés Saïka, qui voulait dire Société Alsacienne d'Importation de Café, donc c'était encore un acronyme. Et là, on avait un nom qui ressemblait trop à une autre marque qui existait déjà dans le café, qui faisait du café décaféiné sous la marque Sanka, comme sans caféine. D'accord. Et ce nom Saïka est donc resté relativement peu longtemps pour se transformer en SATI, Société Alsacienne de Torréfaction et d'Importation. D'accord, donc justement, ces petits acronymes pour les noms des différents cafés, des différents ateliers, c'est en quelque sorte une marque de fabrique de votre part. C'est vrai, on peut dire ça, et de toujours vouloir trouver un nom qui veuille dire quelque chose au-delà du mot qui peut être facile à retenir, il a toujours eu une signification cachée, exactement. D'ailleurs, on me demande de vous poser une question. Je crois savoir, enfin, on m'a dit que fut un temps, vous faisiez un café goût chocolat, mais il paraît que vous n'en faites plus. Ah, mauvaise information, on le fait toujours. Ah. Et vous le trouvez, on fait un café goût chocolat que vous pouvez acheter sur notre site internet, cafésati.com. On a une boutique en ligne, et vous pouvez également, celui-là existe en 250 grammes, et nous avons également un café goût noisette cacaoté, donc c'est un mélange chocolat-noisette, et qui existe, lui, en capsule compatible avec les machines Nespresso. Voilà, donc du coup, il faudra que je dise à la personne qui m'a demandé de vous poser cette question que le café goût chocolat existe toujours chez Serti, voilà. Du coup. Il est possible que le magasin qui le distribuait dans les Vosges ait décidé de ne plus le distribuer, mais nous n'avons pas arrêté le produit. D'accord, il faudra du coup que j'informe la personne en question. Donc il est 14h13, donc avant de parler encore plus de tout ça, je vous propose de nous lancer directement dans une première fréquence musicale que vous avez choisie, Nicolas, une chanson, ma foi, bien choisie, si on peut dire, et que nous écoutions la célèbre chanson, du coup, Couleur Café, justement, du célèbre chanteur Serge Gainsbourg, dont on salue la mémoire, pour donner les quelques références, comme j'aime bien le faire, c'est de la chanson française. C'est un morceau sorti en single en 1974, avant de sortir en 1988 en version live. Et c'est un titre issu de l'album Gainsbourg Percussion de Serge Gainsbourg, album sorti le lundi 26 octobre 1964. Et pour les petites infos complémentaires, ce morceau a connu plusieurs reprises. En 1996, Jane Birkin, la femme de Serge Gainsbourg et mère de Charlotte Gainsbourg, reprend le titre dans son album version Jane, avec des arrangements et percussions de Doudou Ndiaye, Ndiaye Rose, pardon, et en 2008, le titre est transformé en jingle pour du café dans la saison 2 de la série américaine Mad Men et de l'épisode 7 Le Violon d'Or. Ce qui constitue d'ailleurs un petit détail assez sympathique, puisque la seconde saison de la série se déroule entre la Saint-Valentin 1962 et le début d'année 1963, soit plus d'un an avant la sortie réelle du titre de Gainsbourg. Et en 2013, enfin, le titre est repris par Louise et Joseph pour l'édition collector de la compilation Succès Tropical Family. Et puis, du coup, voilà, en 96, le chanteur haïtien Beethoven Obas reprend le titre sur son album Paprese. Voilà pour les petites infos complémentaires, ça fait beaucoup d'infos, mais bon, voilà, vous pouvez les retrouver facilement sur internet. Donc on écoute Serge Gainsbourg et son titre Couleur Café, et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 2 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. Couleur café, j'aime ta couleur café. C'est quand même fou l'effet, l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. Ce soir la nuit sera blanche. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Sans philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement, sur notre site internet ou sur notre application Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter Serge Gainsbourg avec le morceau intitulé Couleur Café et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Nicolas Chullet, dirigeant des Cafés Sati, qui est là pour nous parler des Cafés Sati, de l'histoire avec un grand H des Cafés Sati et de tout ce qui entoure les Cafés Sati. Ça va toujours ? Impeccable. Parfait. Donc, j'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale, et nos auditrices et auditeurs le savent, bien qu'elle va paraître évidente. Pourquoi ce morceau ? Ah, c'est marrant, je m'attendais à la question. Ah. Et j'ai choisi exprès des morceaux qui avaient un sens pour moi. Vous voyez, comme ça, à chaque fois que vous me poserez la question, j'aurai quelque chose à vous dire. D'accord. Je me suis dit, si j'ai le droit de choisir les morceaux, il doit y avoir une raison. Alors, étonnamment, ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous surprendre, c'est pas ma chanson préférée de Serge Gainsbourg. C'est un artiste un petit peu controversé, sulfureux, que j'apprécie beaucoup, que je considère comme un poète de la chanson française. J'aurais pu choisir peut-être la chanson de Prévert ou d'autres chansons qui sont, je trouve, encore plus belles en tant que telles, mais je trouvais celle-ci parce que, évidemment, il y avait le lien, ce sera d'ailleurs la seule qui a un lien avec le café. Et de toutes les chansons que je connais autour du café, c'est une dont j'apprécie à la fois la rythmique et voilà, c'est une musique agréable pour passer une petite pause à la radio. Je n'ai pas pris une trop longue non plus parce que je me suis dit que sinon vous allez dire il a pas envie de raconter grand chose. Alors j'ai pas choisi Purple Rain, version longue, 8 minutes, qui est une belle chanson aussi. Mais voilà, c'est une chanson autour du café, interprétée et composée par un vrai poète français. Voilà. Bien sûr, donc nos auditrices et auditeurs, si jamais, quand vous nous écoutez, si vous voulez vous faire couler un petit café en nous écoutant, bah c'est le bon moment. Personnellement, pendant la pause musicale, je m'en suis fait couler un petit. Voilà, c'est l'ambiance s'y prête bien. Donc du coup, on va reprendre le cours de cette émission. Donc il paraît que par an, les Cafés Sati torréfient 3500 tonnes de café. Exactement. Alors nous avons l'habitude de dire que nous sommes le plus grand régional de France. C'est-à-dire qu'en entreprise régionale, distribué, la marque Sati est une marque distribuée dans une petite dizaine de départements du quart nord-est de la France. En partant de Strasbourg, on fait un peu comme, on rayonne un petit peu comme une goutte d'eau, une tache d'huile qui se répand. Plus on est loin de nos bases, moins on rayonne et moins notre image est forte, mais on essaye de toujours communiquer plus pour se faire connaître plus loin. Mais excusez-moi, j'ai perdu le fil de ma phrase. Ça arrive. Oui, je suis pas un expert de radio. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez me rappeler la question. Oui, je disais qu'il paraît que par an, les Cafés Sati te réfient 3500 tonnes. Voilà. Ouais. Et donc, nous sommes le plus grand régional de France avec ces 3500 tonnes. Et au-dessus de nous, ben, c'est plus les régionaux. au-dessus de nous, ce sont des entreprises nationales, voire multinationales. Donc ça a l'air d'être impressionnant, comme ça, 3500 tonnes. Nous en sommes évidemment très fiers, on vient de très loin. Mon grand-père, en 1926, devait torréfier quelques dizaines de kilos par jour. Donc c'est sûr qu'on a fait un petit peu de chemin. Mais il faut savoir rester modeste. Nous sommes une entreprise à taille humaine. Nous employons une cinquantaine de salariés à Strasbourg. Et si on prend nos confrères qui sont un petit peu plus grands que nous, on passe tout de suite à 10 000 tonnes. Et si on cherche la taille au-dessus de ce confrère-là, on va tout de suite passer à 30 000 tonnes. Donc on joue vraiment dans un monde de géants. Et bon, voilà, il faut savoir rester à sa place. Nous sommes une entreprise à taille humaine spécialisée dans la torréfaction de qualité. On prend soin de chaque grain, on prend soin de chaque broche de torréfaction. Bien sûr, et donc du coup, même si, comme vous le dites, vous êtes le plus grand niveau régional de France, mais 3500 tonnes, même, c'est vrai, bah après, pour ceux qui ne se connaissent pas beaucoup, c'est vrai que ça paraît énorme, j'en fais partie, j'y connais pas vraiment, mais c'est vrai que 3500 tonnes, quand même, ça doit représenter beaucoup de boulot. Alors, ça représente beaucoup de travail. Alors, si on ramène ça à la journée, c'est à peu près c'est 16 tonnes de café torréfié par jour. D'accord. 18 tonnes de café vert. Il y a à peu près 20% de perte de poids à la torréfaction, principalement d'humidité, mais un petit peu de perte de matière aussi quand le grain va grandir, grossir à la torréfaction. Donc c'est sûr, c'est beaucoup de travail, mais voilà, on a des équipes qui sont formées pour ça, qui sont compétentes. On a un turnover, donc le plus bas possible, c'est-à-dire on garde les gens, on essaie de fidéliser nos collaborateurs pour qu'ils puissent développer leur savoir-faire, chaque jour acquérir de nouvelles compétences et être exceller dans leur rôle au quotidien. Bien sûr, et donc du coup, j'imagine que les cafés Sati, du coup, vous ne travaillez pas tout seul, vous travaillez avec des producteurs de café. Donc comment est-ce que vous choisissez les producteurs justement avec qui vous allez travailler? Quelles sont les conditions, ce que vous regardez en premier pour choisir un producteur, un partenaire? Alors la première chose qu'on regarde, c'est la qualité du café. Quel que soit le partenaire, il faut que le café réponde à nos exigences. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on aura une moins bonne qualité, qu'on pourra moins bien soigner le café en termes de producteur. Mais inversement, c'est pas parce qu'on est gros qu'on ne va pas également pouvoir apporter un soin particulier au café. Parce qu'on va pouvoir, quand on est une coopérative un peu plus grosse, s'équiper de matériel qui permettent de trier le café avec des lecteurs optiques qui vont éliminer les grains de café qui ont des petites imperfections de couleur, qui pourraient, à la torréfaction, ces imperfections de couleur, bah, avoir une imperfection gustative en tasse. Donc c'est vraiment la qualité du café qu'on va nous envoyer. Donc comment on va choisir le café? Malheureusement, on ne part pas en voyage toute l'année pour aller faire le tour du monde des plantations. Ce serait fantastique. Nous réalisons régulièrement des voyages d'études dans des pays d'origine, des pays producteurs de café, pour aller rencontrer des gens, pour comprendre comment ils travaillent, pour comprendre quelles sont leurs difficultés, pourquoi lorsque les récoltes, les prix augmentent parce que les récoltes sont plus faibles, ou pourquoi parfois on n'a pas pu être livré des quantités qu'on avait précommandées dans certaines coopératives. Ça, c'est très important. Mais par contre, au quotidien, on va recevoir, pour chaque conteneur de café qu'on va acheter, on va recevoir, avant l'embarquement, un échantillon. Et ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle l'échantillon d'agréage. On va nous envoyer un échantillon de café qui est représentatif d'un lot. Et quand on va acheter un conteneur, on va recevoir, par exemple, les échantillons de 4 ou 5 conteneurs différents, et on va choisir celui qui nous convient le plus. Et c'est donc toujours, finalement, sur la qualité qu'on va choisir le café qu'on achète. D'accord. Et du coup, en préparant cette émission, j'ai appris que depuis plus de 20 ans, les cafés Sati proposent une gamme certifiée bio, ce qui est d'ailleurs une très bonne chose, et Fairtrade Max Avelar. Donc on connaît le terme bio, mais qu'est-ce que le terme Fairtrade Max Avelar? En quoi consiste-t-elle? Alors, Max Avelar, c'est un label, d'accord, label du commerce équitable. Fairtrade, en anglais, veut dire commerce équitable. Qu'est-ce que ça garantit? Le café est une matière première qui est cotée en bourse, qui est soumise à d'énormes fluctuations. Nous appelons communément le pétrole s'appelle l'or noir. Mmh. Le café, par analogie, s'appelle l'or vert. Il faut savoir que c'est la deuxième matière première la plus traitée dans le monde, après le pétrole, justement. Donc, les fluctuations des cours de la bourse font que le petit producteur va pouvoir, certaines années, très très bien gagner sa vie, C'est le cas actuellement, les cours mondiaux sont très élevés. Le petit producteur, comme le gros d'ailleurs, va pouvoir vendre très cher sa production. Mais il y a des années où ces cours mondiaux sont bas, voire très bas, voire en dessous du prix de revient, du prix du coût de production pour l'agriculteur. Et c'est là où intervient le label Max Havelaar. C'est quand le marché du café descend en dessous d'un certain prix, il y a un prix plancher, un mécanisme de prix plancher qui se met en place et qui garantit un revenu d'achat décent pour le petit producteur. Et donc nous achetons nos cafés, à peu près 40% de toute la production de chez Sati est certifiée soit bio, soit bio et équitable, le double label comme on dit chez nous. Et nous, cela garantit donc un prix minimum au producteur, quel que soit le niveau de la bourse. Évidemment que si la bourse est élevée et bien au-delà du prix minimum, on paye le prix de la bourse, plus une petite prime, qui est une prime de maintien de la plus-value pour que le petit producteur n'ait pas envie d'abandonner la certification. Parce que si c'était le cas, le jour où les marchés se retournent et redescendent à des niveaux inférieurs à leur prix de revient, il serait trop tard pour lui pour se faire recertifier immédiatement. Donc le but, c'est qu'il reste certifié. Il a une petite surprime qui l'incite à le faire. Et à ce moment-là, il a toujours, aujourd'hui, il gagne bien sa vie, mais demain, il a ce parachute. Si les cours devaient s'effondrer, il est tout à fait possible, par des jeux de spéculation, de fonds de pension qui achètent des lots de café pour les revendre, les cours pourraient s'effondrer rapidement. Et à ce moment-là, le petit producteur est protégé et vend à Max Havelaar avec ce fameux prix minimum. D'accord, donc il y a Max Havelaar et également du coup le côté bio de vos cafés. Donc à quel point, dans quelle mesure, on va dire, est-ce important le côté bio de vos cafés? Alors ça, c'est un engagement, voilà, qui, vous l'avez signalé, qui a 20 ans. Il y a 20 ans, on ne pouvait pas encore vraiment parler de mode, de bio. Il n'y avait pas tellement de magasins bio partout, dans toutes les villes, dans tous les quartiers. Et c'est mon père, à cette époque-là, donc c'est en un peu plus de 20 ans d'ailleurs maintenant, c'est en 99 précisément, qui s'est lancé là-dedans. Vous voyez, je n'étais même pas encore dans l'entreprise, puisque je suis rentré en 2003. Mmh. Et il s'est dit, il faut faire quelque chose pour la réduction de l'utilisation des pesticides et des engrais de synthèse. Chacun, à son échelle, peut faire quelque chose. L'entreprise Sati, à son échelle aussi, puisque voilà, on fait quand même que 3500 tonnes de café, c'est reste modeste, je vous l'ai dit. Et là, on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait faire si on décidait d'acheter des cafés bio et de garantir que les produits, au-delà d'être certainement plus sains pour le consommateur, protège également la planète. Et c'était cette réflexion-là qui nous a conduit à démarrer en 1999 et qui font qu'aujourd'hui, en 20 ans, un peu plus de 20 ans, nous avons acquis une expérience, nous avons la confiance dans les producteurs, nous avons également la confiance de nos clients, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes un acteur très important avec, je vous disais, à peu près 40% de la production du site de Strasbourg qui bénéficie de la certification soit bio et commerce équitable Max Havelaar. Mmh, d'accord. Et du coup, pour avoir un bon café, du coup, il y a l'arabica qui rentre en jeu. Mais quels sont du coup les critères pour avoir des arabicas plus propices, qui sont plus propices à faire du bon café? Ah, alors ça, c'est la question piège. D'accord. Mais je vais essayer de pas y échapper quand même. Hein, je vais répondre le plus franchement possible. Mais le bon café, c'est une affaire de goût. D'accord. Nous avons des consommateurs qui achète chez nous un produit qui est un 100% Robusta. Donc un café plutôt amer, plutôt corsé. Pour eux, c'est le goût du café. C'est le goût de leur enfance. C'est le café qu'ils ont toujours bu à la maison. Et c'est le café qui, pour eux, a du caractère. Alors que vous leur servez une tasse d'Arabica, ils vont le trouver absolument fade. Donc, qu'est-ce qui fait un bon café? Je dirais, personnellement, c'est la complexité aromatique. C'est ce qui fait qu'on peut trouver, comme dans un grand verre de vin, plein d'arômes différents. Il y a beaucoup d'analogies entre la vigne et le vin, et le café, pardon. Vous avez jusqu'à 800 composés aromatiques dans une tasse d'arabica. Dans un grand Bordeaux, il paraît qu'on peut en dénombrer jusqu'à 400. Donc vous voyez la complexité jusqu'où on peut aller. Vous pouvez avoir des arômes de fruité, vous pouvez avoir des arômes de fruits de type citrique, vous pouvez avoir des arômes de bergamote, des arômes de thé, de fleurs de jasmin. Vous pouvez avoir des arômes plus qui vont tirer sur l'amertume, qui peuvent aller jusqu'à des goûts de presque de terre, des goûts de, vous pouvez avoir des goûts de vin, de fermenté, de fruits rouges. Vous pouvez avoir une palette aromatique, évidemment la vanille, la noisette, toutes ces choses, des goûts d'herbe. Si vous prenez dans les bio par exemple, nous avons dans notre gamme un café qui s'appelle le café Sati Mocha Sidamo, qui est dans la gamme bio Fairtrade que vous avez cité. C'est un café probablement un des plus fins du monde. C'est presque un thé tellement il est fin. Un café très légèrement caféiné, probablement un des cafés les moins caféinés naturellement. Et c'est un café qui va avoir des arômes de fleurs de jasmin. Ce café-là, particulièrement, je le recommande de le déguster en infusion café-filtre. C'est là où il va le mieux se révéler. Vous avez des cafés qui vont par contre être plus adaptés à la consommation en expresso. Donc des cafés qui vont avoir plus de crémeux, plus de tenue de crème à l'extraction. Et vous voyez, finalement, c'est ce que vous aimez qui va faire que c'est un bon café, mais également la façon dont vous allez le préparer. C'est pour ça que je vous disais que c'est une question piège. Il n'y a pas de réponse exacte. Voilà, mon favori, je pense, au niveau mondial, de tous les cafés que j'ai pu goûter, c'est probablement le Mocha Sidamo. En ce moment, j'ai un petit crunch pour le Rwanda. Nous avons un café issu du Rwanda qui vient d'une toute petite exploitation, qui est à la fois la force des cafés africains et la finesse et l'acidité des cafés d'altitude d'Afrique de l'Est, qui est également un pur arabica, pure origine. Mais voilà, ça peut dépendre du moment. Vous avez cité le café chocolat, c'est certainement un café adapté avec une bonne tarte au couette en saison. À 4 heures, vous faites un petit café filtre chocolat, ça doit être parfait. C'est voilà, le moment, la préparation et puis votre propre goût. Bien sûr. J'ai pas trop échappé à la question. Non, ça va. La question. Non, c'est bien. C'est très bien. Et donc, du coup, pour savoir tous les meilleurs cafés, plus ou moins, donc les arômes, etc., il existe également ce que vous appelez du cup tasting. Mais je vous propose d'en parler juste après la prochaine fréquence musicale que vous avez choisie une nouvelle fois, un autre célèbre chanteur français, Jean-Jacques Goldman, avec son titre Il changeait la vie. Et au niveau des références, à nouveau, ce morceau est plutôt typé pop française, je dirais. C'est un morceau sorti en 1987 et issu de l'album intitulé Entre gris clair et gris foncé. Album sorti le jeudi 5 novembre 1987. Il s'agit par ailleurs d'un double album et du cinquième album studio du chanteur. Et pour la petite info complémentaire, le ton de l'album montre un contraste entre certaines chansons faisant preuve d'une grande sensibilité, comme par exemple le titre Puisque tu pars, ainsi que d'autres marquées par un certain cynisme, comme Peur de rien blues, très reprise en live. Voilà, malgré tout, les thèmes généraux restent l'amour et l'espoir. Donc on écoute Il changeait la vie de Jean-Jacques Goldman et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. avec un tout petit bonhomme, mal habillé, rêveur, un peu loupé en somme, se croyait inutile, banni des autres hommes. Il pleurait sur son saxophone. Il mit en temps de larmes de douleur, les rêves de sa vie, les prisons de son cœur, et loin des beaux discours, des grandes théories, inspiré jour après jour de son souffle et de ses cris. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107FM. Vous venez d'écouter Jean-Jacques Goldman avec le morceau intitulé « Il changeait la vie ». Vous êtes bien sûr toujours en direct. Il est 14h36 et 53 secondes. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Nicolas Chulé, directeur des Cafés Sati, qui est là pour nous parler des Cafés Sati, de l'histoire avec un grand H des Cafés Sati et de tout ce qui entoure les Cafés Sati. Est-ce que vous passez un bon moment à notre compagnie ? Très bien. Je suis ravi d'être là. Super. Donc, comme vous l'avez dit, au début, cette chanson, c'est une chanson qui dit quelque chose pour vous, mais ça n'a pas de rapport avec le café. Donc pourquoi ce morceau, du coup ? Alors, c'est très égoïste, celle-là. Je l'ai écrite pour faire plaisir à mes enfants, si jamais ils m'écoutent, parce qu'ils sont en vacances. Alors peut-être qu'ils ont pensé à se connecter, comme je leur avais dit que je passais à la radio. Et c'est une chanson qu'on avait l'habitude d'écouter en voiture et de chanter à tue-tête en famille quand on partait en vacances. Donc c'était un petit clin d'œil. Puis si on doit le ramener au café quand même, c'est une chanson qui dit qu'on peut changer la vie des gens avec pas grand chose, hein. Vous imaginez, en faisant des chaussures légères, on change la vie. Et bah, est-ce que si en buvant un bon café le matin, ça pouvait changer le cours de la journée ? On sait pas, on peut espérer, modestement. Peut-être que c'est ce qu'essaie de faire Sati au quotidien. D'accord. Oui, bah, du coup, si vos enfants nous écoutent, on leur passe un petit bonjour. Voilà, donc. Comme annoncé avant du coup cette pause musicale, vous faites ce qu'on appelle du cup tasting. C'est, en anglais, ça veut dire dégustation de tasse, je crois. Donc, qu'est-ce que du coup le cup tasting ? En quoi est-ce que ça consiste ? Alors, le cup tasting, c'est un concours en fait. Nous, ce que l'on fait tous les jours, ce sont des dégustations. On appelle ça en français faire des dégustations. On va déguster le café sous toutes ses formes, c'est-à-dire quand il arrive le fameux échantillon d'agréage dont je vous parlais tout à l'heure, avant d'acheter le café, quand le lot qu'on a validé 3-4 semaines après, il va arriver par bateau, on va déguster ce qu'on appelle l'échantillon d'arrivage pour le comparer et s'assurer qu'il corresponde bien à ce qu'on voulait acheter. Et puis ensuite, on a l'échantillon de sortie, c'est-à-dire de libération du produit une fois qu'il a été fabriqué. Et là, on va le consommer exactement comme le consommateur va le consommer chez lui. Donc si c'est du café en grain, on va le mettre dans une machine à grains. Si c'est du café moulu, on va le faire au filtre. Si c'est une capsule ou une dosette, on va le mettre dans la machine adaptée. Le cup tasting en tant que tel, c'est un concours international qui consiste à se faire s'affronter des dégustateurs de café qui vont devoir identifier des intrus. Alors c'est quelque chose d'assez technique. Vous avez 24 tasses de café qui sont regroupées en triangles. Donc vous avez 8 x 3, ça fait 8 triangles pour faire les 24 tasses. Et chaque triangle est composé de deux tasses rigoureusement identiques et d'une tasse légèrement différente. Et le rôle du cup tester, c'est à l'aveugle, dans un temps limité et si possible le plus court possible, d'identifier l'intrus et juste d'écarter la tasse en disant « lui c'est pour moi la tasse différente, lui c'est pour moi l'intrus ». Il ne faut pas deviner l'origine, il ne faut pas parler des mélanges, mais par contre c'est très compliqué parce qu'évidemment on ne va pas vous donner deux Brésil et un Colombie dans le triangle. Vous allez avoir deux Colombies, le premier de la coopérative Rodriguez Mendoza à 1700 mètres d'altitude. Et puis, le deuxième, le différent, ce sera le Colombie de la coopérative Manuel Rodriguez. Et c'est la coopérative d'en face, sur la colline d'à côté, exposée au sud au lieu d'être exposée à l'ouest, et qui est récoltée à 1800 mètres d'altitude. Donc des différences extrêmement ténues, qui fait que c'est extrêmement difficile. Et une fois que vous avez terminé vos 8 triangles, identifié vos 8 intrus, vous arrêtez le chrono. En cas d'égalité, c'est le plus rapide qui gagne. Et si vous gagnez en France, vous avez ce qu'on appelle les championnats de France. Donc vous êtes titré champion de France. C'est un concours auquel nous avons participé à moult reprises. Et nous avons un champion qui a été 3 fois champion de France, qui a eu le droit par conséquent de représenter la France lors du concours mondial, qui est parti à Melbourne, qui est parti à Budapest, qui a fait vraiment qui est parti à Shanghai aussi, qui a fait des belles performances à l'international. Et donc il y a un championnat par pays et ensuite un championnat du monde. Et c'est vraiment une épreuve qui demande de la concentration, de la préparation. Il y a évidemment un stress incroyable quand vous passez l'épreuve. Un problème majeur, c'est le chrono. Est-ce que vous allez être trop lent par rapport à vos adversaires? Et puis ne pas vouloir aller trop vite pour pas faire d'erreur. Il faut quand même prendre le temps pour essayer d'identifier au mieux les tâches. Voilà le cup testing résumé en 2 minutes. Mmh. Et donc du coup, au café, chez les cafés Sati, du coup, votre responsable qualité, donc Sébastien Maurer, est triple champion de France de cup testing. Exactement. Il a gagné 3 fois le championnat de France. Il a fait 1 fois 3e, 1 fois 2e, il me semble. Et ma sœur, dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui co-dirige l'entreprise avec moi, a fait 1 fois 3e au championnat de France également. D'accord. Et aussi, il est important du coup de préciser que dans le cup testing, du coup, ce sont seuls les 4 membres du jury qui sont habilités, à valider les cafés voués à être utilisés pour la production. Exactement. C'est-à-dire toutes les dégustations dont je vous parlais tout à l'heure, agréage, arrivage, libération de production, sont dégustées pas par une seule personne, parce qu'on peut avoir des jours sans, on peut avoir le nez bouché, on peut avoir mal digéré quelque chose la veille, avoir le palais qui n'est pas à 100%. Donc il faut valider une dégustation en étant au minimum 2 membres du jury. On aime bien être le plus nombreux possible. Ça a été un petit peu compliqué avec les périodes de Covid, parce qu'avec les distances à respecter dans le laboratoire, qui a une taille relativement modeste quand même, on était un peu moins nombreux. Mais le but, c'est de confronter justement les opinions. Donc c'est là où c'est intéressant. Et donc on a un jury. Et le fait d'être nombreux dans le jury fait que quand il y en a qui sont en déplacement, on arrive au moins toujours à être 2 pour qu'il y ait au moins une confrontation entre 2 avis sur une dégustation de café. D'accord. Et donc j'imagine que les grains de café, qu'aucun n'a le même ADN du coup. Chaque grain est différent. Alors oui, alors c'est intéressant que vous parliez d'ADN parce qu'on ça commence à venir les analyses sur le café, alors pas tout à fait via l'ADN, mais via des analyses quand même assez poussées techniquement, mais chaque café est différent. En fonction de l'origine, vous allez avoir des développements qui vont être liés principalement au terroir, hein, au sol, mais également à la variété de café. Dans tous les pays du monde, ce ne sont pas les mêmes variétés de café. Mmh. Il existe un grand nombre de sortes d'arbres. Tous ne sont pas comestibles d'ailleurs, puisqu'ils ont, c'est pas qu'ils sont dangereux, mais c'est qu'ils n'ont aucune propriété organoleptique intéressante. Soit ils sont trop amers, soit ils ont des goûts qui ne sont vraiment pas sympathiques. Mais vous avez des arbres différentes, comme les catouailles, les catouras, des choses comme ça. Vous avez également des hybrides, hein, qui sont par bouture, ils ont développé des variétés, notamment pour essayer de résister à une maladie dont je vous parlais tout à l'heure, la rouille du caféier, qui provoque l'exfoliation, donc la perte des feuilles de l'arbre, et inéluctablement sa mort, et ce qui est toujours, comme je vous le disais, catastrophique, puisqu'il faut 5 ans pour remplacer un arbre mort et qui devienne efficace en termes de production de café. Un petit chiffre intéressant que je ne vous ai pas donné, c'est la quantité de café qui va être produite par un caféier. Le caféier va produire jusqu'à 5 kilos de cerises. Donc c'est finalement pas beaucoup, parce qu'une fois que vous avez tout enlevé, vous avez torréfié le café, il reste à peu près 800 grammes de café torréfié. D'accord. Du coup, depuis le début de cette émission, on parle des cafés Sati du coup qui respectent l'environnement, et donc en parlant de respect de l'environnement et du côté bio des cafés Sati, vous avez mis en place l'année dernière des capsules compostables chez soi. Oui, tout à fait. Alors, nous avons travaillé avec un partenaire, fabricant de capsules. Hein, en tant que torréfacteur, nous n'avons pas d'entreprise d'injection de plastique ou de bioplastique. Donc, on travaille avec un partenaire. Et nous avons fait le choix de partir sur la capsule compostable. Donc, c'est ce qu'on appelle un bioplastique. Donc, c'est uniquement à partir de matière végétale, par fermentation, qu'on va générer une polymérisation, si on veut. Et c'est un produit qui est certifié compostable chez soi, dans son jardin, c'est-à-dire à relativement basse température dans un compost domestique qui tourne autour des 26 degrés à peu près, peut-être un peu plus l'été. Et c'est très technique pour maîtriser une capsule qui permet à la fois de conserver les arômes du café et en même temps que lorsqu'elle sera utilisée, donc mouillée, qu'elle réagisse à cette humidification et qu'elle puisse fermenter à l'aide du marc de café et se désagréger le plus rapidement possible pour disparaître dans un compost. D'accord. Ensuite, un de vos nombreux partenaires, parce que vous avez également, du coup, au Café Sati, vous êtes titulaire de nombreux labels comme ISO 9001, par exemple, entre autres. Mais du coup, un de vos partenaires, c'est Naturalba. Qu'est-ce que Naturalba ? Ah, alors Naturalba, c'est une plantation de café au Costa Rica. D'accord. Dans la vallée de Turrialba. Donc, nature, un peu comme leur amour pour la nature, et Alba comme la région, Turrialba. Et donc, c'est une plantation familiale qui est également tenue par la même famille depuis plusieurs générations, avec laquelle nous sommes rentrés en contact de façon très, très, très jolie, très intéressante. Notre directeur commercial avait fait un voyage privé avec sa famille au Costa Rica et avait, par l'intérêt du café, était allé visiter un éco-lodge pour aller voir dormir dans les plantations. Et il a sympathisé avec les gens là-bas et on a démarré un flux d'importation de café qui viennent de chez eux. Et ce sont des cafés du Costa Rica qui sont extrêmement fins, des cafés d'altitude, finement acidulés, avec beaucoup de caractère, comme tous les cafés costaricains, et qui sont cultivés dans une ferme qui se veut la plus neutre écologiquement, qui va maintenir des corridors biologiques pour que la nature puisse se développer entre les zones où le café est cultivé, et faire en sorte que l'impact de la récolte du café soit le plus faible sur l'écosystème autour. Donc il n'y a aucune route qui est carrossable, tout est quasiment en état naturel, et ils ont développé donc ce modèle de culture autour de la protection notamment des oiseaux, puisque la zone au Costa Rica où ils sont implantés est une des zones les plus riches en variétés d'oiseaux exotiques. D'accord. Donc il est 14h48, nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission, mais avant de conclure, je vous propose de nous lancer directement dans la troisième et dernière fréquence musicale que vous avez choisie une nouvelle fois, Nicolas, et que nous écoutons cette fois-ci un autre grand chanteur français. C'était une émission 100% chanson française, Francis Cabrel avec son titre « L'arbre va tomber ». Toujours au niveau des quelques références, ce morceau est plutôt typé pop-rock français, je dirais. Il est sorti en 1994 et il est issu de l'album intitulé « Samedi soir sur la terre » du chanteur. Album sorti le mercredi 6 avril 1994, il s'agit du 8e album studio de Francis Cabrel, et on n'y échappe pas. Pour la petite info complémentaire, cet album est certifié disque de diamant, pardon, et s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. C'est l'album le plus vendu de l'artiste et l'un des albums les plus vendus en France. Donc on écoute L'arbre va tomber de Francis Cabrel, et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 5 minutes 30, pour la suite et la fin de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Rien ne doit rester, Le monsieur veut garer sa voiture. Nous, on l'avait griffé juste pour mettre des flèches et des cœurs. L'arbre va tomber, le monde regarde ailleurs. L'arbre va tomber, ça fera de la place au carrefour. L'homme est décidé, et l'homme est le plus fort, toujours. Ouh, c'est pas compliqué, ça va pas lui prendre longtemps. Tout faire dégringoler, l'arbre avec les oiseaux dedans. Il y avait pourtant tellement de gens qui s'y abritaient, et tellement qui s'y abritent encore. Toujours sur nous penchés quand les averses tombaient, une vie d'arbre a couché dehors. L'arbre va tomber, l'homme veut mesurer sa force. Et l'homme est décidé, la lame est déjà sur l'écorce. Et tellement qui s'y abrite encore. Toujours sur nous penchés quand les averses tombaient, une vie d'arbre a couché dehors. L'arbre va tomber, on se le partage déjà. Y'a rien à regretter, c'était juste un morceau de bois. Ouh, un bout de forêt, avancé trop près des maisons. Et pendant qu'on parlait, l'arbre est tombé pour de bon. Il y avait pourtant tellement de gens qui s'y abritaient. Ces nuits d'hiver quand les averses tombaient, oh, t'as dû en voir passer des cortèges de poulets, des orages, des météores. Et toutes ces nuits d'hiver quand les averses tombaient, une vie d'arbre a couché dehors. L'arbre va tomber de Francis Cabrel sur Radio Guémoso. Vous êtes donc de retour, toujours en direct. Il est 14h54. Vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre site internet https://radioguémoso.radio-website.com/ et sur notre application Orange Radio partout en France et dans les pays frontaliers, entre autres. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone pendant encore quelques minutes de Nicolas Chulé, directeur des Cafés Sati. Tout va toujours bien ? Ouais, super, un plaisir d'écouter Cabrel. C'est vrai, ça fait du bien. Et donc, même question que pour les deux précédentes fréquences musicales, vous êtes habitué désormais, pourquoi ce morceau ? Alors, déjà musicalement, c'est un morceau que j'apprécie beaucoup. Il y a une bonne rythmique, il est très sympa. Et puis, c'est une chanson, je pense que vous avez dû le dire, qui a été écrite en 94. Oui. Il y a à peu près 28 ans, on va dire, peut-être 27 ans. Et c'est assez intéressant d'écouter l'écho que peut avoir cette chanson 28 ans après, où on parle de l'homme plus fort que la nature, cette domination de l'homme. Et je trouve ça un petit peu, c'est intéressant, c'est à mettre en perspective avec la période que l'on vit aujourd'hui, avec l'engouement qu'ont les gens de manger plus sainement, de vivre plus sainement et de protéger la nature en général et de faire attention à tout leur environnement. Il y a une espèce de mise en abîme qui est sympathique et c'est intéressant aujourd'hui de se dire tiens, il y a quelqu'un qui a écrit une chanson comme ça il y a pratiquement 30 ans, il s'était pas trompé. Voilà. Bien sûr. Donc du coup, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Pourquoi, enfin non pas pourquoi, est-ce qu'on a encore des choses à dire, des choses importantes qu'on n'aurait pas encore dit? Est-ce qu'il y a quelque chose encore à aborder? Ah, il y aurait de quoi faire 3 heures d'émission. Oui. Mais j'étais ravi d'être avec vous. Déjà, je veux vraiment vous remercier. Vous avez une super initiative en téléphonant au numéro que vous avez repéré sur la camionnette de Régis Rouleau, notre agent commercial, notre responsable du secteur sur les Vosges. Mm-hmm. Et ce que je voulais dire, c'est le café, c'est une affaire de passion, je vous l'ai déjà dit. Chez Sati, c'est également une affaire de famille. Et on essaie de porter haut les valeurs de l'entreprise, les valeurs de la France, et de produire un café de qualité qui convient au plus grand nombre, avec une gamme la plus riche possible, entre ceux qui vont préférer des cafés doux et fruités, ceux qui vont préférer des cafés corsés et amers. Chez Sati, il y en a pour tout le monde. Essayez, vous trouverez le café qui vous ressemble et qui vous convient chez nous. Voilà, c'est joliment dit. Du coup, si nous voulons retrouver vos articles, tout ça, etc., je crois à savoir, du coup, vous avez, comme vous l'avez dit pendant cette émission, une boutique en ligne. Alors, j'ai glissé ça tout à l'heure, on a une boutique en ligne. On est également distribué dans toutes les grandes surfaces de la région, dans les Vosges évidemment, tout ce qui est sur Remiremont, Saint-Dié, etc. Et puis également, nous avons toute une série d'établissements, d'endroits fort sympathiques où vous pouvez aller boire un bon café. Alors c'est un peu la période du ski, donc si vous allez à la Chlourte au Collet, vous pourrez boire du Sati. Si vous allez à la Bresse au Chalet des Roches, il y a toute une série d'endroits. Je crois que dans le Val d'Ajol, pas très loin de Saint-Étienne-Mirmont, c'est bientôt la fête de l'andouille. Donc si vous allez à la résidence au Val d'Ajol, vous pouvez boire du bon Sati également. Donc j'allais dire dans beaucoup d'endroits, et à commencer par chez vous. Voilà, oui, tout à fait. C'est bientôt la fête de l'andouille au Val d'Ajol, en effet. Du coup, les ateliers du coup de Café Sati, est-ce qu'on peut les visiter ou pas? Alors, malheureusement, notre établissement n'est pas ouvert au public. Nous sommes soumis à des normes alimentaires très strictes. Vous avez parlé de la norme ISO tout à l'heure. Mm-hmm. On a une norme depuis qui est encore un peu plus stricte, qui s'appelle IFS, c'est International Food Standard. Donc c'est quelque chose de très très strict. Et pour des raisons de sécurité alimentaire, ne disposant pas d'un couloir séparé qui permettrait d'isoler le public des machines, nous ne pouvons pas accueillir le grand public chez nous pour des visites de l'entreprise. C'est dommage, mais voilà, la sécurité des produits passe avant tout. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Ah, de continuer à vivre mon métier avec passion, parce que je pense que c'est vraiment mon moteur et c'est ce qui fait que on se lève tous les matins et qu'on se rue sur la machine à café en se disant allez, encore une belle journée où on va arracher les forêts. Tout à fait. Je mettrai en lien avec le podcast de l'émission demain dans la journée le lien de votre page Facebook si on veut vous retrouver, et puis même le lien de votre boutique en ligne, comme ça les auditrices et auditeurs pourront vous retrouver facilement. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on se quitte? Buvez Sati. Voilà, tout simplement. Soutenez l'économie locale. C'est vrai, c'est important de soutenir l'économie locale. Voilà, donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc là, c'est à mon tour de vous remercier, Nicolas, d'avoir accepté mon invitation. D'ailleurs, ne quittez pas, je vous récupère au téléphone juste après, hors antenne. Cette émission sera rediffusée demain, mercredi, à 18h. Demain jeudi, pardon, à 18h, avec le podcast de cette émission posté sur notre page Facebook et sur notre site internet. Et si vous voulez, je pourrais même vous l'envoyer par mail, si vous voulez la récupérer, la partager. Avec plaisir. Voilà. En attendant, je vous laisse en musique après le générique avec Nina Simone et son titre Lilac Wine. Et quant à nous, on se retrouve avant la rediffusion de l'édition de Fréquence Libre d'hier, dans laquelle je recevais par téléphone Luc du pub rock chez Paulette, qui était là pour nous parler de chez Paulette et de la réouverture prochaine de chez Paulette. Quant à nous, on se retrouve demain à 14h pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai par téléphone Christelle Roggiéraud, qui sera là pour nous parler du carnaval vénitien de Remiremont. Voilà. Merci de votre fidélité à Radio Guémozo. Et du coup, je vous dis à demain. Donc, salut et à demain.